L'illustré. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Green Blood, c'est 4 épisodes qui racontent 3 histoires où 3 journalistes ont été menacés, ont risqué la prison ou ont été assassinés. Cette semaine, le réseau Forbidden Stories. C'est une collaboration internationale avec des journaux en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Et je pense que ce type de projet-là peut aussi montrer un peu aux gens pour qui on travaille. Et on travaille pour faire que notre démocratie ne meure pas dans l'opacité et faire en sorte que les citoyens soient informés, surtout sur des histoires qu'on a voulu passer sous silence au départ. Du Guatemala à la Tanzanie. Dans cette série documentaire, on s'est intéressé à 3 journalistes. Donc Carlos Choc au Guatemala, un journaliste maya. Sandhya Ravishankar, une journaliste indienne qui travaille sur les mafias du sable en Inde. Et un journaliste s'appelle Jabir Idrissa, dont le journal a été fermé en Tanzanie. Il y a aussi des moments où on veut des spécialistes de la finance, où on veut des spécialistes du droit, on veut des spécialistes de la mondialisation et des multinationales. Et toutes ces aptitudes-là ne sont pas forcément contenues dans un seul journal ou dans un seul média. Nous, notre rôle à Forbidden Story, c'est de coordonner une enquête qui est mondiale, avec une vingtaine ou trentaine de rédactions, donc d'organisations de presse qui prennent part à ce type de projet-là. Donc notre métier, c'est vraiment de coordonner. Un certain journalisme d'investigation. Petit rappel, notre semaine se consacre donc à Forbidden Stories, histoire interdite, un réseau de journalistes d'investigation créé en 2017 pour poursuivre le travail de reporters menacés, emprisonnés ou assassinés. Créé à l'initiative de Laurent Richard, hier notre invité, ce réseau, après une enquête multiple autour de la journaliste assassinée à Malte, Daphne Caruana Galizia, se consacre à un travail d'envergure mené sur plusieurs continents autour des questions minières. Comment, en Tanzanie, en Inde ou encore au Guatemala, les extractions de différents minerais sont à l'origine de meurtres, de disparition, de viol. Green Blood, le sang vert, est le titre général d'un documentaire en 4 parties, fruit de cette vaste enquête. Ils seront 2 pour en parler aujourd'hui au micro d'Histoire vivante. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Arthur Bouvard, j'ai 33 ans et je suis journaliste et coordinateur de projet à Forbidden Stories. Quel est votre parcours? Comment vous arrivez au journalisme? C'est une vocation tardive ou au contraire fort précoce? C'est pas une vocation précoce du tout. Ma vocation précoce, c'était l'image. Moi, je voulais faire du cinéma, je voulais faire des films, je voulais faire des photos. Vous dites ça au passé, enfin il est jamais trop tard si je puis me permettre. Non, mais quand j'étais petit. Voilà, quand j'étais petit. Quand j'étais petit, ouais. J'ai toujours voulu faire des films, des images, des photos. Et j'ai eu un parcours universitaire, j'ai fait un petit peu de philosophie après le lycée, j'étais intermittent universitaire on va dire. J'étais pas très assidu à l'école. Et il y a peu d'images dans la philosophie, l'image est mentale. Effectivement, et du coup je préférais aller traîner sur des plateaux, je travaillais sur des plateaux de séries télé à Paris. Ensuite j'ai essayé de trouver des stages dans des agences de photos pour essayer un petit peu justement de toucher à ce monde de l'image qui me fascinait beaucoup. Pratiquer le terrain au fond? Très peu en fait, très peu. J'ai commencé sur des plateaux de cinéma à faire de la régie, c'est-à-dire à faire chauffer le café ou à faire de la déco, monter les décors, peindre des pièces, enfin en gros venir très tôt le matin pour tout préparer. Et puis c'est la longue histoire, mais très rapidement, je m'y suis pas entièrement retrouvé, c'est-à-dire que je crois que je n'aimais pas le temps du cinéma. Passer des heures à préparer une scène qui va durer une minute. L'école de la passion, disait un certain Louis Jouvet. Exactement. Ça, je me suis vite aperçu, mais j'étais très surpris, un peu triste de m'apercevoir que ça ne me correspondait pas. Mais j'avais envie de faire de l'image, j'avais envie de raconter des histoires. Donc très naturellement, je me suis plutôt tourné vers le journalisme et le documentaire où je me suis dit, quitte à vouloir raconter des histoires, autant raconter des vraies histoires. Raconter des vraies histoires, vous allez passer par quoi? Vous allez passer par de l'article, c'est-à-dire aller puiser chez les autres, ou constituer vos propres enquêtes, d'abord écrites, puis après les adapter à l'image. J'ai eu une formation dans une école de journalisme à Paris qui m'a appris en tout cas à lire, à écrire d'une certaine manière pyramidale, avec l'information principale en avant. Donc oui, effectivement, quelque chose de très formaté, mais qui m'a aussi ouvert l'esprit pour aller chercher mes propres enquêtes, mes propres personnages, être attentif en fait dans la vie de tous les jours, pas forcément dans le contexte du travail, mais à être curieux et à l'écoute du monde qui m'entoure. Voilà. Avec des thèmes de prédilection? Non, pas spécialement. J'ai plutôt l'impression que c'est la méthode plutôt que j'applique dans les enquêtes qui prévaut plutôt que de choisir une thématique par affinité. Ça va passer par quoi? Ça va passer par une personne? Par du temps de lecture, du temps. Mais qu'est-ce qui vous attire? C'est ça que j'essaie de saisir. Qu'est-ce qui m'attire? Ouais. À part l'image, comme vous dites, à part le récit. L'image, c'est ce qui m'a amené au journalisme. Ouais. Maintenant, ce que j'aime découvrir, c'est comment fonctionne le monde, au-delà de, on va dire, la couche superficielle de comment fonctionnent les rouages de notre monde, que ce soit, je sais pas, dans l'univers scientifique, dans l'univers politique, dans l'univers économique. Il y a toujours, on vit de plus en plus un monde de communication où on nous donne une certaine image, des entreprises, des universités, et j'aime bien comprendre un petit peu comment fonctionnent en réalité les rouages de ces grands rouages de notre société. Vous savez qu'on reproche souvent aux journalistes le travers de s'intéresser essentiellement aux trains qui arrivent en retard. Est-ce votre cas ou est-ce que vous aimez aussi les trains qui arrivent à l'heure? Alors je suis extrêmement attaché au rôle de chien de garde, comme on dit, de journalisme, du quatrième pouvoir. Je pense que le journalisme est là pour challenger le politique, les entreprises, en tout cas pour questionner le monde. Et ça passe par dénoncer les trains qui arrivent en retard. Après, en faisant ça, je pense qu'on peut aussi s'intéresser aux trains qui arrivent à l'heure, ou en tout cas aux gens qui sont dans les trains qui arrivent à l'heure, si vous suivez ma pensée. C'est pour ça que j'essaye au maximum dans les documentaires que je fais, qui sont des documentaires d'investigation, où on est là pour dénoncer, pour informer le public, aussi de donner une part la plus importante possible à l'humain, aux personnes qui incarnent des fois des problématiques qui sont lourdes et anxiogènes. Alors, on a déjà évoqué hier la création de Forbidden Stories, donc je ne vais pas vous redemander de nous faire la présentation de la chose, mais peut-être d'y ajouter votre propre grain de sel. Vous êtes dans Forbidden Stories dès l'origine, à peine la porte se referme-t-elle et les peintures sont encore fraîches, que vous avez déjà votre siège, votre bureau à vous? La peinture avait séché quand je suis arrivé. Non, je suis arrivé six mois à peu près après le lancement du projet. En fait, je rejoins Laurent Richard et Forbidden Stories au moment du lancement du projet Daphné. Au moment du projet Daphné, donc, qui était le premier projet de Forbidden Stories, qui a rassemblé une trentaine de journalistes pour poursuivre le travail de la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia. Mais vous passez dans la rue et puis les fenêtres sont ouvertes et vous entendez qu'on parle d'un sujet qui pourrait vous intéresser? Alors, pas du tout. J'ai commencé à travailler avec Laurent Richard en 2012 au sein de l'agence Première Ligne. Vieille connaissance. Voilà. J'ai commencé stagiaire, en fait. Il y a 8 ans à travailler avec Laurent sur... J'ai eu la chance de bosser avec lui sur des enquêtes très variées, aussi bien économiques sur le... Je me souviens que le premier documentaire sur lequel j'ai travaillé avec lui était sur le monde bancaire. En gros, c'était un petit peu remettre en question toutes les promesses que nous avaient fait les grandes banques après la crise de 2008. Et puis, à ses côtés, c'est vrai qu'on j'ai pu travailler sur des grands scandales politico-financiers. J'ai appris à voler de mes propres ailes et faire mes propres documentaires. Plutôt dans le côté environnement, en travaillant sur des histoires de contamination chimique, par exemple aux États-Unis, en Inde ou aux Pays-Bas ensuite. Et donc assez naturellement, c'est vrai que j'ai rejoint Laurent à Forbidden Stories pour suivre justement le travail d'autres journalistes. Ça faisait écho, je pense, à des choses qui me sont arrivées, des choses que j'avais pu faire l'expérience en tant que journaliste, c'est-à-dire de côtoyer des journalistes censurés. C'est vrai que quand on est à Paris, il y en a pas énormément, mais dans le cadre d'enquête à Première Ligne, donc cette société pour laquelle on travaillait, on a pu rencontrer des des journalistes censurés, pas que des journalistes aussi, des activistes qui prennent beaucoup de risques pour parler. Et ça, c'était déjà un peu quelque chose qui commençait, je pense, à infuser en moi de me rendre compte que j'étais jeune journaliste quand même, j'avais 25 ans, de me rendre compte que des gens prenaient des risques énormes en fait pour nous apporter des informations. Et quand d'autres journalistes en fait sont censurés, on prend tout de suite la mesure en fait de la liberté d'expression et de la chance que nous on a en fait dans des pays démocratiques où on peut grosso modo dire ce qu'on veut. Et puis les événements de Charlie Hebdo, puisque je travaillais dans le même immeuble que Charlie Hebdo, ont été, je pense, un peu un point de bascule en fait sur les menaces en fait. Enfin, tout de suite la menace que vivent les journalistes là, elle a été incarnée ce jour-là, moi dans mon histoire à moi, elle a été incarnée de manière très très abrupte, très violente. Et donc le projet Forbidden Stories faisait aussi écho à cette expérience personnelle là. Le 12-30, Nadine Altiner. La journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia est décédée hier dans l'explosion de sa voiture. Anouk Henry, sa mort suscite une vague d'indignation en Europe. Oui, la violence de la méthode a en soi de quoi choquer. Les images du véhicule calciné, totalement détruit et projeté plusieurs mètres dans un champ, sont impressionnantes. D'autant plus impressionnantes que l'attentat s'est produit à Malte, pays membre de l'Union européenne. Sur son blog, Daphne Caruana Galizia dénonçait sans relâche la corruption et l'évasion fiscale. Moins d'une heure avant sa mort, la journaliste de 52 ans avait posté un dernier article relatant une affaire de corruption impliquant un politicien maltais. Sa dernière phrase avait été « Il y a désormais des escrocs partout où vous regardez, la situation est désespérée ». Et Anouk, aujourd'hui les réactions pleuvent. Oui, hier soir, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Malte pour dénoncer cet assassinat, avec cette question: comment est-ce possible qu'un journaliste aujourd'hui meure pour ses idées en Europe? La députée européenne Eva Joly s'indigne. Au cœur de l'Europe, des lanceurs d'alerte assassinés. Reporters sans frontières a également dénoncé cet assassinat et exige une enquête indépendante. Ce matin, le commissaire européen Pierre Moscovici a rappelé sur France Info l'importance du travail de journalistes comme Daphne Caruana Galizia. Je lutte avec acharnement contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale. C'est un combat que nous ne pourrions pas mener, nous les décideurs publics, s'il n'y avait pas justement ces blogueurs, ces journalistes qui ont fait des révélations, les Panama Papers, les Lost Leaks. Et donc, soyons vraiment aux côtés de ceux qui sont les militants de cette liberté d'expression. Histoire vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories. Aujourd'hui, entretien avec Arthur Bouvard, journaliste pour Forbidden Stories, et Alexis Marant, réalisateur de documentaires. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Alexis Marant, je suis réalisateur de documentaires. Je fais ce métier depuis environ 25 ans. J'ai été très longtemps rattaché à l'agence Kappa à Paris pendant une vingtaine d'années. Je l'ai quitté il y a seulement un an et demi. Depuis, j'ai collaboré notamment sur ce projet Green Blood. Comment en arrivez-vous à la réalisation de documentaires? Quel est votre parcours de vie? Alors mon parcours, c'était un parcours d'étudiant assez studieux. J'ai fait Sciences Po à Paris. J'avais pas la vocation du journalisme ou du documentaire précoce. C'est quelque chose qui s'est affiné au fur et à mesure de mon expérience de vie et de mes études. Je m'intéressais notamment énormément à l'image. Je pratiquais la photo. Je viens d'une famille de photographes. Et de fil en aiguille, à la fois avec ces passions-là et puis les voyages que j'ai commencé à faire en sac à dos avec mes copains à 18 ans et à découvrir le monde en sortant d'un milieu relativement bourgeois, j'ai eu envie de faire partager c'est ce regard sur le monde et puis de donner à entendre et à voir ce qui se passait dans le monde aux gens. Et donc je me suis dit, tiens, le journalisme et le journalisme audiovisuel, les documentaires, parce que j'aime les formats longs, c'est ça que je veux faire. Tiens, alors voilà quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi aimez-vous les formats longs? Je pense que tout le monde peut comprendre que quand on essaye de raconter des histoires, quand on essaye de sensibiliser les gens à des problématiques, on peut pas le faire en 1 minute 30 comme dans le journal télévisé. S'agit pas ici de dénigrer le format du news, mais c'est vrai que moi je ne m'y retrouve pas. J'ai besoin d'abord à titre personnel de passer du temps à étudier les sujets sur lesquels je travaille, de passer du temps avec les gens, et puis de passer du temps à raconter ces histoires pour leur donner un maximum de complexité, même si ça reste de la télévision et que donc on ne peut pas atteindre le niveau de complexité qu'on peut avoir en écrivant des livres, par exemple. Les seules pastilles qui ont réussi à me contredire, je ne sais pas si vous partagerez ce point de vue, Alexis Marron, c'est ces petites pastilles intitulées No Comment sur la chaîne Euronews qui montrent une scène sans aucun commentaire. J'y ai vu parfois des tortues essayant en vain de traverser une autoroute quelque part filmée aux États-Unis. Ça dure, je ne sais pas, une petite minute, même pas. Et c'est une parenthèse, une sorte de bulle que j'ai trouvée absolument passionnante et qui est, elle, en, non pas en contradiction, mais qui impose autre chose que le format long, enfin qui propose plutôt autre chose que le format oui, long. Oui, c'était moi aussi, j'ai adoré ce format, entre guillemets, quand il est arrivé sur Euronews, et c'est vrai que je le guettais, moi aussi, mais parce que ce qui donnait à voir tout d'un coup, c'était quelque chose sans filtre, sans regard subjectif, ou même objectif, ou prétendument objectif du journaliste, il donnait juste à voir les choses telles qu'elles se sont passées, et c'était quelque chose de très très intéressant, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas un travail qu'on peut reproduire ou qu'on peut appliquer à toutes les histoires et à toutes les façons de raconter les histoires. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas forcément, l'agence Kappa s'est fait une réputation hors pair dans certains domaines et surtout par une connaissance très précise, des enquêtes très méticuleuses liées au terrain. Vous-même, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion, à l'intérieur de Kappa, de pouvoir explorer différents domaines, j'imagine ? Alors moi déjà, je suis très éclectique, je refuse de m'enfermer dans une catégorie de sujets ou dans un style de reportage ou de réalisation. Donc déjà, c'est ce qui était formidable en étant à l'agence Kappa, c'est une agence assez importante qui embrasse beaucoup de sujets différents, qui travaille pour toutes les chaînes en France et à l'international, et sur différents types de formats, donc de durée. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, c'est vrai que j'ai énormément appris là-bas parce que il y avait quand même au cœur et au corps du fondateur de cette boîte qui est Hervé Chabalier, la volonté d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens et d'être au plus près de l'action. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, même si aujourd'hui je ne fonctionne pas systématiquement comme ça sur tous les films que je fais, c'est quelque chose qui vous apporte énormément, qui vous oblige. C'est une école, et c'est une école finalement d'une forme de rigueur aussi, parce qu'il faut y aller, il faut aller sur le terrain, il faut rapporter l'image. C'est là que c'est beaucoup plus difficile finalement que la presse écrite où avec son carnet on peut témoigner et un stylo on peut témoigner du réel, alors que nous il nous faut l'image. D'autant et que c'est beaucoup plus compliqué, c'est parfois plus dangereux aussi. D'autant que vous parlez d'une époque, pardonnez-moi de signaler vos quelques cheveux gris, mais où les caméras ne sont pas si petites, où la multitude même des smartphones n'existe pas du tout. Ah, ça n'existait pas. Vous arrivez avec des gros outils et puis faut faire votre place. Absolument, absolument. Alors moi, j'avais de la chance, comme je vous le disais, par rapport à mon parcours. Quand j'ai décidé de faire du journalisme après Sciences Po, je suis rentré dans une école de journalistes qui s'appelle le Centre de formation des journalistes à Paris, qui était la première école à proposer la formation de journaliste reporter d'image. Qu'est-ce que c'est un journaliste reporter d'image? Ben, c'est un couteau suisse, justement, qui fait à la fois de l'image et du journalisme, ce qui est à la fois rédacteur et caméraman. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, déjà, j'étais dans les premières promotions, en fait, de cette formation qui existait seulement, je crois, depuis 5 ans quand moi je l'ai faite. Et c'est vrai que j'avais un profil qui était intéressant pour les sociétés de production, pas bon pour des raisons économiques évidemment, parce qu'il y avait quand même le côté deux en un, mais il y avait aussi cette possibilité de pouvoir passer plus de temps sur le terrain, de pouvoir être moins nombreux, donc plus discret, etc. Par contre, effectivement, le matériel à l'époque était encore assez lourd. On travaillait avec ce qu'on appelle des caméras Betacam qui pesaient entre 15 et 20 kilos une fois que vous aviez mis tout ce qu'il y avait à mettre dessus, c'est-à-dire les batteries, les objectifs, les micros. C'est des grosses caméras, oui, absolument. Il y en a plus d'un qui s'est cassé le dos avec ces caméras-là. Et puis, heureusement, depuis moi, maintenant, 25 ans que je travaille, j'ai vu le format et la taille et le poids des caméras se réduire petit à petit pour notre plus grand bonheur. Alors, on viendra plus tard sur le fait qu'effectivement, cet allègement-là a aussi modifié sans doute bien des choses et même les narrations, mais restons encore dans ces temps antiques, si vous le voulez bien, Alexis Marron. Sur quel dossier vu votre goût pour l'éclectisme, vous avez eu l'occasion de travailler. Est-ce que certains ont pu rester gravés dans votre mémoire? Ah bah oui, ça, il y en a plus d'un, forcément. Non, non. Bah, j'ai quand même travaillé les premières années de ma carrière en accompagnant beaucoup des journalistes et des réalisateurs, en étant moi-même leur caméraman, principalement, en apportant aussi mon input en tant que journaliste, en donnant mon avis, en posant parfois des questions aussi dans les interviews. J'étais pas... De par ma formation, j'étais pas juste un caméraman taiseux qui se contentait de faire ce qu'on lui disait, forcément. Et c'était assez apprécié. Et à cette époque-là, j'ai fait beaucoup de grands reportages. Je suis allé en Irak à l'époque de Saddam Hussein, en Afghanistan. J'ai rencontré Massoud, j'ai rencontré le Dalai Lama à Dharamsala. J'ai filmé des grands singes en Afrique, en Indonésie. J'ai fait des choses absolument formidables en tant que caméraman. Et puis après, quand je suis passé à la réalisation, j'ai commencé par m'atteler, parce que c'était plus évident, à des sujets d'abord de société française. Et ça, j'en ai fait pas mal. Et j'ai fait des sujets sur l'homophobie, sur le SMIC, sur la prostitution, sur les jeunes filles des cités, qu'est-ce que c'est que d'être une jeune fille et de grandir dans les cités d'un banlieue, enfin voilà, je pourrais pas tout énumérer comme ça. Et puis l'autre volet, on va dire, des choses que j'ai développées petit à petit, ce sont des grandes enquêtes internationales, des films de géopolitique, et qui m'ont amené à m'intéresser par exemple au manque de petites filles en Asie, du fait de la préférence pour les garçons, qui fait qu'on estime qu'il y a plus de 100 millions de petites filles qui sont pas nées en Asie. Ça, c'est un film que j'ai fait avec Manon Loiseau, qui est une réalisatrice très connue et pour lequel nous avons eu le prix Albert Londres ensemble en 2006. Nos compliments tardifs. Et puis après, bah, j'ai fait des enquêtes sur la délocalisation de l'agriculture, sur la pollution en Méditerranée, sur la propagande de l'État islamique. Voilà, autant de films à portée internationale assez importante et qui d'ailleurs se sont exporté aussi à l'étranger, et notamment en Suisse. Alexis Maran, quand on travaille à votre rythme, vu la liste assez conséquente que vous nous avez déjà présentée de vos précédents travaux, ça laisse entendre que entre le moment où vous posez votre sac au retour d'un voyage et le moment où vous allez remplir à nouveau pour repartir, il n'y a parfois pas forcément beaucoup de temps, surtout que cet entretemps est souvent occupé à la post-production, montage et autres. Ma question, c'est, est-ce qu'on a le temps de réfléchir sur ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le temps de réfléchir à sa, non pas sa carrière, mais l'objet qu'on travaille, l'objet film, l'objet réalisation? Moi, j'y accorde en tout cas beaucoup d'importance. Je réfléchis toujours à la bonne façon de mettre en image les histoires. J'essaie de me nourrir et de me documenter sur ces histoires le plus possible, sachant que parfois les propositions émanent de moi, mais parfois elles émanent aussi d'un producteur ou même d'un diffuseur qui me les confie. Et donc que je m'approprie. Vous êtes un glouton, vous fonctionnez comme l'éponge? Complètement, totalement. C'est-à-dire que moi, j'adore qu'on me donne un os à ronger. Après, il faut que ça m'aille, il faut que ça me parle, il faut que ça suscite, ça réveille mon imaginaire. Au-delà de, évidemment, de valider que c'est un sujet pertinent à faire à cette époque, à ce moment-là, au moment où on se propose de le faire. Mais après, oui, j'ai besoin de faire travailler mon imagination tout en me documentant sur le sujet pour essayer de trouver une forme de réalisation qui soit à la fois adéquate et qui soit éventuellement un peu sexy, comme on dit, c'est-à-dire qui attire l'attention, qui offre une nouvelle proposition. Et je pense que c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que Laurent Richard est venu me chercher pour travailler sur la série Green Blood. Avec quel mot plus exactement faites-vous la distinction entre le monde du reportage et le monde du documentaire, puisque vous avez au fond fréquenté les deux? Dans le monde du documentaire, on ose penser que la temporalité n'est pas la même, le métronome bat peut-être à un rythme quelque peu plus lent, mais ne pas se contenter forcément simplement de cette première appréciation, qu'est-ce que vous auriez à nous en dire, vous? Moi, ce que j'aurais à en dire, c'est que c'est une frontière déjà que je refuse de mettre. En fait, pour moi, on est tous dans le même bateau. On raconte le monde. Peut-être que la petite différence qu'il pourrait y avoir dans certaines formes du documentaire, j'entends, dans certains genres du documentaire, c'est d'assumer totalement un regard très très subjectif pour certains auteurs. Hein. Certains auteurs et réalisateurs de documentaires ne sont pas dans la préoccupation de l'objectivité ou de l'exhaustivité. Voilà. C'est là qu'il pourrait y avoir, on va dire, plusieurs écoles, on va dire, mais en tout cas, une rupture ou un petit, comment dire, une différence entre nous, ces différents types d'auteurs de documentaires. Moi, j'aime tous les genres du documentaire. J'adore ce genre, j'adore tout ce qui porte à, tout ce qui donne à voir le réel. Je trouve que c'est beaucoup plus riche même que la fiction et que c'est beaucoup plus concernant, je trouve, pour les gens. Et ça peut apporter beaucoup plus de questionnement aux gens, je pense, que la fiction. Parce qu'on parle toujours du réel et que des fois, on a du mal même à comprendre ou à le saisir, ce réel, quand on n'a pas la chance, comme nous, de pouvoir voyager, de pouvoir se confronter à différentes situations, à différentes cultures, à différentes réalités. Et donc, il y a déjà beaucoup à faire en faisant cela. Et voilà, donc je pense que le documentaire, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait, pour moi, on est tous dans le même bateau et on fait tous le même métier. Et après, c'est quelle est la façon dont on retranscrit ce réel, peut-être, où les regards et les approches peuvent diverger. Demain, nous retrouverons Arthur Bouvard et Alexis Marant pour poursuivre ces entretiens dans la perspective des prochains documentaires d'Histoire vivante. Il y en aura deux, dimanche soir sur RTS2. Rendez-vous pour découvrir les deux premiers épisodes de Green Blood. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc